Chez Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et Chibougamau, venez voir le F-150 avec la technologie d'aide au conducteur Ford Copilot 360 offerte en option. En plus, le F-150 est équipé du système Pro Trailer Backup Assist qui facilite la marche arrière avec n'importe quelle remorque. Obtenez-le à un taux annuel de 0% à l'achat jusqu'à 84 mois et 4 500 $ de rabais sur les F-150 2020 sélectionnés. Jean Dumas Multiconcessionnaire. Les Eskimos d'Edmonton, l'équipe centenaire, on pourrait comparer ça, c'est l'équipe de la Ligue canadienne de football. On a appris hier qu'ils vont changer de nom. Et ça, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre ce qu'on a. Parce que les Eskimos, c'est vraiment l'équipe de la LCF. On en parle avec Patrick Henry de Radio-Canada Edmonton. Salut Patrick. Salut Danny. Patrick, moi j'ai. Écoute, il y avait des rumeurs, je pouvais pas y croire que les Eskimos d'Edmonton allaient changer de nom, c'est l'équipe de la Ligue canadienne de football. Je trouve ça un peu... À un moment donné, je me dis, quand est-ce que ça va arrêter, ça, là? Parce que, à un moment donné, là, les Eskimos, c'est l'équipe. Moi, je trouvais pas que c'était si insultant que ça. Ben, c'est un peu le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui trouve que c'est pas si insultant que ça, mais les gens qui sont principalement concernés par ça... Eux disent que c'est complètement insultant, donc il faut tenir compte. Patrick, ils sont combien, hein, à peu près? Ah, il y a beaucoup. Je veux dire, c'est des communautés inuites. Et je te rappelle, Danny, comment ça s'est. Comme un peu l'histoire de ça, là. Il y a toujours eu quelques personnes ici et là qui ont questionné le nom des Eskimos depuis plusieurs années, mais c'est en 2015, à la veille du match de la Coupe Grey entre Edmonton et Ottawa. C'est un match qui se passait à Winnipeg. Qu'on a vraiment entendu parler de ça là, pour la première fois à grande échelle. Il y a un leader d'une communauté inuit qui avait dit « ça n'a pas de bon sens, les Eskimos, ça veut dire mangeurs de viande crue, c'est plus comme ça qu'on doit être perçu, c'est péjoratif, il faut que l'équipe change de nom ». À ce moment-là, on disait « ben c'est un drôle de timing, hein, juste avant la Coupe Grey, le jour avant la Coupe Grey, de faire cette demande-là ». On voyait ça peut-être un peu comme une tentative de distraction de l'équipe, mais bon, les demandes sont revenues et l'équipe n'a pas eu le choix d'organiser une consultation. Len Rhodes, qui était le président à l'époque, s'est rendu dans les communautés du Nord, aller visiter les communautés inuites. Il a rencontré des leaders de 25 différentes communautés. Puis quand il est revenu, il a dit « les gens sont partagés, mais je me rends compte qu'une majorité de gens là-bas comprennent pourquoi on a choisi le nom Eskimo il y a plusieurs années ». C'était pour rendre hommage aux gens du Nord, pour dire « nous aussi, on est dans une ville nordique, la ville la plus nordique de la Ligue canadienne. On est des travaillants, on est des gens qui travaillent en équipe, on n'a peur de rien. » Donc, c'était pour rendre hommage à la communauté. Mais il y a quand même des gens qui trouvaient que c'était péjoratif. Et plus on s'éloigne d'Edmonton, plus on voit que l'appui envers le nom diminue. Les gens qui sont près d'Edmonton, qui connaissent l'équipe, supportaient le nom, mais les autres non. Donc, on avait décidé à l'époque de garder le nom. Il y a encore 3 semaines, on avait les Eskimos avaient dit on garde le nom, on va organiser une autre consultation pour voir comment les choses changent. Mais là, hier, on l'a dit, les choses changent très rapidement. Quelque chose qui était acceptable il y a quelques années, quelques décennies, ce ne l'est plus maintenant aujourd'hui. Et bon, il y en a qui pensent vraiment que le retrait, la menace des commanditaires a joué beaucoup. Ça a sûrement influencé un peu, même si on dit que non. Mais c'était rendu une décision inévitable. Avec ce qui s'est passé à Washington, avec les anciens Redskins, avec les Redmen de McGill aussi, donc des équipes comme ça un peu partout. C'était évident là, que cette décision-là allait arriver, c'était de savoir à quel moment, puis ben, ça a été fait hier. Bon, là, les Eskimos, les partisans des Eskimos disent quoi? Ben c'est partagé. Il y en a beaucoup qui sont en colère, qui disent que l'équipe aurait pas dû céder devant des groupes comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui comprennent aussi pourquoi l'équipe a pris la décision. L'équipe a essayé d'étirer son délai, si tu veux, parce que on aurait pu y dire il y a 5 ans, c'est vrai, notre nom est pas bon, on va le changer tout de suite. L'équipe a tenté d'étirer ça le plus possible. On a commencé par enlever tout ce qui pouvait avoir rapport à un Eskimo. Et si vous allez dans le stade du Commonwealth, il n'y a rien. On n'utilise presque pas le mot Eskimo à part dans le nom. Le reste, c'est toujours Esk ou c'est le double E. La seule chose qui restait là de l'époque, c'est peut-être la mascotte Nanook, qui est un ours polaire. À part de ça, là, sinon, on a tout fait pour essayer d'éloigner les images clichés. Contrairement au Redskins, le logo, c'est pas quelque chose qui était problématique. Les partisans, il y en a qui sont en colère, qui disent qu'ils vont pas revenir. Je pense qu'ils vont revoir leur décision. Ils vont bien se rendre compte qu'un nom, c'est juste un nom. Mais il y a des gens des communautés inuites, mais là, c'est certain que ces gens-là sont très contents. Mais est-ce que là, maintenant, il y a des gens qui vont acheter des billets de saison de l'équipe parce qu'elle ne porte plus un nom péjoratif? Ça, je pense pas. Donc, ça va pas gagner, ça va pas permettre à l'équipe de gagner des nouveaux supporters, mais ça va lui en faire perdre quelques-uns, malheureusement. C'est parce que c'est l'identité, hein. C'est on l'a dit souvent, les Eskimos de Hamilton, c'est l'équipe des Canadiens de football, là. C'est l'équipe qui a le plus de Coupe Grey, je pense. Tu me corriges, je me trompe. Bon, dans l'ère moderne, là, si on considère les années des Canadiens, oui. Tu sais, c'est un peu comme changer l'identité des Canadiens de football. Moi, je prends le même. Mais il y a une façon de le faire. Il y a une façon de le faire pour pas que ça soit trop dramatique. Ça s'est déjà fait, des changements de nom. Ça peut être possible de le faire. Je pense que ce qui est au désavantage de l'équipe, c'est que c'est pas eux qui contrôlent. Quand une équipe décide de changer son image, son logo ou son nom, habituellement, elle peut le faire dans ses termes, puis commencer à mettre de la marchandise, commencer à saupoudrer des idées pour le nom, des choses comme ça. Là, ils sont un peu fait prendre. C'est allé beaucoup plus vite qu'eux pensaient. Puis ils ont été obligés de rendre la décision alors qu'ils n'étaient pas vraiment prêts à le faire. Donc là, on va jouer cette année, s'il y a une saison cette année, on va jouer avec sous le nom de l'équipe de football d'Edmonton ou le EEWE d'Edmonton en attendant de trouver un nouveau nom pour la prochaine saison. Un casse temporaire? Va-tu avoir quelque chose de... Le logo va rester. Le logo, il n'y avait rien de... Le nom? Ouais. Le nom de l'équipe, on le voyait seulement sur le devant du chandail en haut des numéros. Okay. Donc ça, c'est seulement une petite patch à enlever. Sinon, c'est partout ce qu'on voit, c'est le EE. Et le double E, on va le garder probablement parce que là, jusqu'à maintenant, là, tous les noms qui ont été proposés commencent par un E, donc on veut garder l'idée du double E, mais le mot Empire est utilisé beaucoup depuis quelques années dans la promotion de l'équipe. Puis on voit c'est One Empire, le E de One et le E de Empire font aussi le double E. Mais ce matin, sur les ondes de CBC, nos collègues ont appris que le nom Empire ne serait pas retenu. Alors moi, je pensais que c'était le nom favori, mais le président de l'équipe a dit ce matin que ce serait pas ce nom-là. Donc, on va voir s'ils ont déjà un autre idée en tête ou s'ils vont faire vraiment des idées, de consultation. Pat, y a-t-il des idées qui circulent là-dedans? Ben, on parlait beaucoup d'Empire, on parle de Elks. Okay. Donc, si on disait... Parce qu'on va essayer de garder tout ce qui est aussi proche. Hein. Donc, Elks, ce serait les élans. Il y a des gens qui parlent des Eagles. On a parlé de Excel. Il y en a qui parlent d'Energy. Je trouve que c'est pas ça fait pas très équipe de football. Mais le premier que tu as nommé, ça représente bien Edmonton, je trouve, non? Moi, j'aime bien Escalade. Ça permettrait de garder le ESC, parce que le cri de l'équipe, souvent, c'est Go ESC, Go, quand on est dans les estrades. Là. Mm. Donc, je pense qu'ils vont tout faire pour essayer de garder l'image le plus possible, juste en changeant le nom, parce que c'est quelque chose qui est quand même dispendieux, faire un changement d'image. Puis, il faut décider qu'est-ce qu'on fait avec le passé. Est-ce qu'on renie notre passé? Les joueurs qui, comme Warren Moon, qui a son numéro pas accroché, mais une bannière à son nom dans le stade avec le nom des Eskimos, ben lui, il a joué pour les Eskimos. Si on décide d'appeler l'équipe Elks, il a jamais joué pour les Elks, il a joué pour les Eskimos. Alors, est-ce qu'on va devoir dire il a joué pour l'équipe d'Edmonton ou on va pouvoir avoir le droit de dire il a joué pour les Eskimos? J'ai posé la question hier à la présidente du conseil d'administration, ben, dit on ne peut pas encore déterminer comment ça va se passer, mais c'est dur de renier notre passé. Madame, donc, parce que Warren Moon, Doug Flutie, c'est Brian Kelly qui a joué là-bas, qui était un très, très grand joueur. T'as Matt Dunnigan aussi. Matt Dunnigan, je pense qu'il a commencé sa carrière de Edmonton. Tony Scott. Les joueurs qui ont joué pour les Eskimos, peut-être qu'on n'a plus le droit d'utiliser le terme pour parler de l'équipe actuelle. Ou l'équipe future, mais reste qu'on peut pas changer le passé et Hugh c'est Campbell, pour les Eskimos. Tu sais, Hugh Campbell, c'était le. T'es probablement le plus grand entraîneur, un des cinq plus grands entraîneurs de l'histoire des Canadiens de football. Ouais, un grand bâtisseur, puis c'est ça. Mais il faut s'habituer à utiliser. Il va falloir s'habituer à utiliser un nouveau nom. Moi, ceux que je plains plus, là, c'est ceux qui font la description des matchs à la radio. Ça va être très difficile pour eux autres de s'adapter à un nom temporaire, premièrement, puis. Après son nouveau nom, sans toujours faire allusion au mot Eskimo. Donc, on va suivre ça de très, très près. Juste une question de la LCF avant de parler de ce qui se passe à Edmonton, la bulle et ainsi de suite de la Ligue nationale. J'ai parlé avec Larry Smith lundi, parce que je trouvais justement que ça bougeait pas vite dans la SCF. Puis finalement, dans l'après-midi, on a su que Winnipeg avait fait une demande, puis hier, ça a été approuvé. En fait, là, il reste une entente avec l'association des joueurs, c'est ça? Si tu comprends bien ce qui devrait être fait, parce que ces gars-là, ils ont besoin de travail. Il y en a plusieurs sur la PCU, là. Ben c'est ça, les gars, oui. Moi, j'ai parlé à certains joueurs, dont un là, qui travaille dans un club de golf présentement, comme fait de l'entretien dans un terrain de golf. Les joueurs doivent faire... c'est pas des millionnaires, hein, c'est pas des... c'est des joueurs qui gagnent 80 000 par année, peut-être. Puis là, ils sont pas payés. Donc, il faut qu'ils se trouvent quelque chose d'autre. Puis on sait que, de toute façon, une carrière dans la Ligue canadienne, c'est très court. Habituellement... Les joueurs, il y a quelques exceptions, mais les joueurs vont jouer normalement 5-6 saisons peut-être, et déjà là, 6, c'est beaucoup. Alors là, les joueurs ont pas mal déjà tous un plan B, parce qu'ils savent que leur carrière sera pas très longue. Ben, il y en a certains qui vont passer au plan B beaucoup plus rapidement que prévu. Moi, je suis curieux de voir quand on va annoncer qu'on revient au jeu, combien de joueurs vont dire que finalement, ils décident de pas se présenter parce qu'ils ont le droit de le faire. Et si on revient pas au jeu, à quoi ça va ressembler l'an prochain. Moi, je suis très... j'ai pas très confiance que si on joue pas cette année, il y aura une Ligue canadienne de football l'an prochain. Les équipes perdent beaucoup d'argent, puis ça me fait peur. J'ai vraiment peur que si elle revient la Ligue l'année prochaine, elle revienne peut-être juste avec 4 ou 5 équipes, puis ça serait pas... ça serait vraiment pas une bonne chose. Moi, je suis pas inquiet, Justin va sortir 150 millions. Il y a rien là pour Justin, de sortir 150 millions. Moi, ouais, mais ils ont dit aujourd'hui que les ligues professionnelles recevraient pas d'argent, donc... Ouais. Mais, encore des négociations, mais... Ouais. Patrick, je veux te poser des questions sur tu connais l'Ouest canadien, tu es dans l'Ouest actuellement. Je sais que l'urgence sanitaire a été... il n'est plus en Alberta. Donc, c'est sûr que s'il y a une saison, il va falloir avoir des spectateurs. Moi, je pense que oui. Là, un match Montréal-Toronto à Winnipeg, y aurait-tu du monde? Non, mais je pense que dans le fait de la ville bulle, il y a pas. Si on accepte vraiment d'aller à Winnipeg, on va jouer pas de spectateurs. Ah, vous jouez pas de spectateurs, il va falloir jouer sans spectateurs. C'est ce que moi, en tout cas, j'en ai compris. Et puis, la Ligue canadienne sans spectateurs, c'est vraiment pas la même chose que le hockey. Je pense qu'au hockey, on va pouvoir créer de l'ambiance. Ouais. C'est les revenus. Le problème, c'est les revenus. La Ligue canadienne n'a pas de revenus. Puis l'entente avec TSN, c'est des peanuts. Pour eux autres, ça rapporte presque rien comparativement à la Ligue nationale avec Sportsnet, où là, ça vaut le coup de tout faire pour jouer, pour pouvoir avoir ces revenus publicitaires-là. Moi, j'ai très hâte de voir la semaine prochaine. Je vais aller assister au match entre les Oilers et les Flames. C'est le premier match préparatoire qui va être présenté sans public. Là. Moi, j'ai accès, je peux aller voir les matchs. J'ai très hâte de voir comment ça va être l'ambiance là-bas. D'avoir juste une cinquantaine de journalistes puis des directeurs gérants. Je sais pas combien on va être. Moi, je me dis, on va peut-être être 200 dans un aréna qui peut contenir 20 000 personnes. Et ça va être, on va être 200 personnes qui n'ont pas le droit de se lever quand il y a un but ou qui feront pas de bruit, qui applaudiront pas, qui chanteront pas, qui feront pas la vague. Ça va être vraiment étrange comme ambiance. Même chose pour le football canadien. C'est des sports, surtout le football, c'est un sport qui est fait pour les fans, qui est plus un happening que, dans le fond, quand on voit un match de football, c'est pas juste, on va pas juste regarder du football, on va participer à un événement. Fait que je sais pas comment ça va être, puis en plus, les joueurs vont jouer à un rythme, je sais pas encore à quoi peut ressembler l'horaire, là, mais je pense qu'on parlait de jouer aux 5 jours. C'est pas facile sur le corps pour un joueur de football, donc on va leur demander beaucoup. Est-ce que Randy Ambrose, moi je blâme beaucoup, il a fait ça dans le dossier des Alouettes, on savait pas du tout où on s'en allait avec les Alouettes, t'sais. Il y a eu toutes sortes de rumeurs, on était dans le néant, c'est la même affaire que l'année canadienne dans ce dossier-là. C'est un gars qui sent pas avoir, du côté communication, ça sent difficile, hein? Ben les joueurs s'en plaignent beaucoup, en tout cas les joueurs disent beaucoup qu'ils sont pas au courant de ce qui se passe. Avec les médias, on est informé, mais je pense qu'on sait ce qu'on a à savoir. Il y a des choses qui se passent en coulisses qui devraient pas être sur la place publique, puis c'est correct, mais je pense que les joueurs devraient être au courant des démarches. On dit souvent que la Ligue canadienne ne peut pas survivre si elle fait pas un partenariat avec ses joueurs, avec ses commanditaires, si tout le monde travaille pas dans le même sens. Et présentement, ben je pense que moi, les joueurs à qui j'ai parlé n'ont pas l'impression que le commissaire et la Ligue là, travaillent dans leur propre intérêt à eux autres. Aux joueurs, ils travaillent pour les propriétaires, puis ça. Mais ça ne peut pas faire autrement que causer des problèmes. OK. Dernière question, on va s'en reparler. Je te demande de peut-être la semaine prochaine de revenir. L'histoire de la ville bulle, Edmonton, finalement, va être là. Est-ce que c'était. On sait que l'économie d'Alberta a été très, très touchée par ce qui s'est passé avec le prix du pétrole et ainsi de suite. Est-ce que tu penses que ça va marcher, Edmonton, la ville bulle? Est-ce qu'ils ont toute la logistique pour bien accueillir ça? Oui. Depuis le début, j'étais. Quand même, quand on parlait qu'il y avait 10 villes, je suis sûr que je connaissais pas le dossier des autres villes, mais je sais que le dossier d'Edmonton était très, très solide parce que, l'aréna, c'est le plus moderne, sinon le deuxième plus moderne de la Ligue nationale de hockey. Il y a deux patinoires déjà dans le même amphithéâtre, donc ça, c'est déjà un gros plus. Les deux hôtels qu'on va utiliser sont attachés à l'aréna, donc il y a 6 équipes qui vont être au Marriott. Eux, ils ont seulement une passerelle à traverser, ils sont déjà rendus à l'aréna, puis les autres, ils doivent marcher un 3 minutes de plus, mais dans un centre d'achat où il va y avoir un corridor sécurisé pour se rendre là aussi, donc ça, c'est pas une inquiétude. On a des restaurants, des terrains de golf, on a des bars qui vont être réservés pour les joueurs exclusivement pour eux. Donc, je pense que c'est bien fait. Le fait qu'il y a beaucoup moins de cas en Alberta, mais là, ça commence à être moins vrai. Là, c'est pas une très bonne semaine au niveau de la COVID-19 en Alberta, mais le fait qu'au moment où on a choisi, c'était bien contrôlé. C'est quand même encore bien contrôlé à Edmonton. C'est pas Edmonton le gros problème dans la province. Donc, je pense que tout a été mis en place pour que ça fonctionne et ça va être assez facile de le faire fonctionner. Vraiment, le protocole est fait pour que les joueurs ne soient pas en contact avec personne de l'extérieur. Donc, les seules personnes avec qui vont être en contact, c'est des gens de d'autres équipes, okay. Le personnel des hôtels, mais qui vont être aussi supervisés. Ils vont devoir passer des tests très fréquemment, eux autres aussi. Donc, on va tout faire pour limiter les possibilités de transmission du virus. Puis je pense qu'on est prêt du côté de Newton. Je pense que ça va être une façon de faire intéressante. On est supposé d'avoir des détails de la Ligue nationale en fait du groupe des Oilers demain. Alors on va avoir les derniers détails, mais jusqu'à maintenant, moi j'y crois. Je pense vraiment que c'était un des choix là intelligents que devait faire la Ligue nationale. OK. On sent Patrick, go, merci. Au plaisir de se parler. Peut-être la semaine prochaine, savoir comment ça a donné justement à Newton et Calgary. Parfait, ça me fait plaisir, Dani. Patrick Henry de Radio-Canada.